depuis quelque temps, 3 ans exactement, je suis à la recherche d'une fille non riche. Je suis à la recherche d'un être innocent. Jamais vraiment. Jamais vraiment aimé. Trop rarement aimé. Oui, je suis trop rarement aimé. Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Je ne le saurai donc jamais. Question sans réponse, jetée dans les ronces. Question sans réponse et question sans fait. Jamais vraiment aimé. Non, je n'ai jamais vraiment aimé. Un objectif dans le milieu du kiff. Je suis le seul qui n'a rien. La vie n'est qu'une putain. Je suis le seul qui n'a rien. Moi je n'ai que des riffs. Jamais vraiment. Exactement.